الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، donc j'ai pris connaissance de ce qui a émané de celui qui s'appelle Hatim al-Maliki. Hadahullah. Cet homme qui voit que la base chez le muslim, c'est qu'il est salafi. Allah al-Musta'an. Et ça, ça a été déjà réfuté. Donc cet homme qui se fait appeler al-Maliki, et qui s'affilie donc à l'imam Malik ibn Anas, alayhi rahmatullah, l'imam de Dar al-Hijra, de al-Madina, en son temps. Ce grand imam de la Sunna, dont il est très éloigné, malheureusement pour lui. Car ce grand imam défendait la sunna avec vigueur et s'opposait à Ahl al-Bida', aux gens de l'innovation et du faux. Et le fait de s'affilier à un homme, à un individu précis, n'est pas permis en islam. Et lorsque l'imam Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, alayhi rahmatullah, le muhaddith des terres yéménites de notre époque, lorsqu'il fut interrogé sur le tamadhub, c'est-à-dire le fait de prendre un madhab, il a dit bid'a, falyuballigh ash-shahid al-ghaib. C'est une innovation que celui qui entend transmette à celui qui est absent. Ceci car personne n'est infaillible dans cette communauté. Il n'y a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les prophètes de façon générale qui sont infaillibles dans ce qui touche à la religion. Donc le fait de s'affilier à un homme particulier, c'est le fait de s'affilier à autre que l'infaillibilité. Tout comme le fait de s'affilier à un groupe qui n'est pas infaillible. Et le seul groupe sur lequel il y a l'infaillibilité, ce sont les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui les ont suivis, les salaf. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. S'ils croient, c'est-à-dire ceux d'après les sahaba, en ce en quoi vous avez cru, c'est-à-dire les sahaba, alors ils seront bien guidés. Et s'ils se détournent, ils seront dans une division. Et Allah te suffira contre eux. Et il est l'audient, le savant. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Les tout premiers croyants parmi les auxiliaires et les immigrés et ceux qui les ont suivis dans le bien, Allah les agrée et il l'agrée. Et il leur a préparé des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Voilà l'énorme succès. Donc c'est dans leur voie qu'il y a le succès qu'Allah Azza wa Jalla a promis à ses serviteurs croyants. Donc ce qui a émané de Hatim al-Maliki et ce qui se trouve sur leur page Facebook, ça s'appelle les clés du savoir, et une commission, un groupe de travail sur le célibat. Commission de travail sur le célibat. Sur le sujet, les fléaux du célibat, réalité et perspective. Donc il a réuni des personnes afin de discuter de ce sujet qui est le célibat. Al-Azouba. Avec un président de séance, un rapporteur de séance, et trois groupes de travail. Le premier est constitué d'imams, professeurs et prêcheurs dans le domaine juridique religieux. Za'amou. Le deuxième groupe, des psychologues, sexologues, thérapeutes pour les domaines de la psychologie. Wallah al-Musta'an. Et le troisième groupe, des présidents d'associations et membres actifs pour les expériences de terrain. Donc il y a une grande, grande parole sur le fait de réaliser un brainstorming, sensibiliser les acteurs de la communauté autour de cette problématique, etc., etc. Si on voit la parole comme ça, toute seule, on s'imagine pas qu'elle provient de musulmans. J'ai interrogé Cheikh Youssouf Abu Hatim al-Jazairi, hafidhahullah, et il a répondu: Alam yakfihi qawlu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ya ma'shar al-shabab, man istata' minkum al-ba'ata falyatazawwaj, wa man lam yastati' fa'alayhi bis-sawm. Ne lui suffit-il pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô jeune, celui qui peut parmi vous se marier, c'est-à-dire qui en a les moyens, qu'il se marie, et celui qui ne peut pas, alors qu'il jeûne. Il a dit à la fin du hadith, فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءَ, car ça sera pour lui comme une castration, c'est-à-dire qu'il n'aura pas ce désir avec le jeûne, ça réduira son désir. Et le hadith est muttafaqun alayh d'après Ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Ensuite il dit, وَفِي الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ الْغَنِيَّ عَنِ الْتِمَاسِ الْحِلِّ عِنْدَ الْكَفَرَةِ وَمَنْ نَسُوا اللَّهَ فَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ. Et dans le livre et la sunna, il y a une suffisance du fait de chercher les solutions auprès des mécréants. Et ceux qui ont oublié Allah, et Allah les a fait oublier leurs propres âmes. أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ. Ne leur suffit-il pas que nous ayons fait descendre sur toi le livre qu'il aura récité. فَالْوَاجِبُ عَلَى هَذَا الشَّخْصِ تَرْكُ مِثْلِ هَذِي الْمَسَالِكِ نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَهُ. Donc il est obligatoire à cet individu de délaisser ce genre d'agissement. Nous demandons à Allah de le guider. Fin de sa parole. Et malheureusement, tout ceci provient du fait de ressembler, d'imiter les mécréants. Sur quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde. Et d'après Ibn Omar radiallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Celui qui ressemble à des gens en fait partie. Et le hadith est dans Sunan Abi Daoud, et c'est un hadith bon. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, wa ittabi'u min dunihi awliya. Suivez ce qui est descendu sur vous de la part de votre Seigneur, et ne suivez pas d'alliés en dehors de lui. Et dans les deux sahihs, d'après Abi Sa'id al-Khudri, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا وَدِرَاعًا بِدِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ. Vous suivrez certes les voies de ceux qui étaient avant vous, pont par pont et coudée par coudée, au point que s'ils entraient dans le terrier, dans les arbres, vous les suivriez. Nous dit mon messager d'Allah: Parles-tu des juifs et des chrétiens? Il dit: Faman, qui d'autre? Et le hadith est rapporté dans les deux sahih. Et dans sa commission de travail, comme c'est appelé, il a donc formé un groupe de psychologues. Donc, qu'est-ce que la psychologie? C'est l'étude des faits psychiques, des comportements et des processus mentaux. Et la psychologie permet de déterminer à l'aide d'un rationalisme une solution permettant à l'individu de se comprendre soi-même. C'est donc du blabla de philosophe, car la psychologie est tirée de la philosophie. Et ils disent que parmi les précurseurs de cette science blâmable, on trouve Platon et Aristote. Alayhim la'anatullah. Les polythéistes grecs qui sont vénérés en Occident pour leur science inutile. Et donc il est dit qu'ils déterminent une solution à partir d'un rationalisme. Maintenant, qu'est-ce que le rationalisme ? C'est la doctrine qui pose la raison comme seule source possible de toute connaissance réelle. Ainsi, le rationalisme s'entend de toute doctrine qui attribue à la seule raison humaine la capacité de connaître et d'établir la vérité. Wallahu al-musta'an. C'est-à-dire que la vérité pour eux, ce qu'ils définissent comme vérité, c'est ce que la raison établit comme vérité, sans livre ni messager. Et cet égarement évident est ce qui a fait, qui a plongé à l'égarement beaucoup de gens qui se réclamaient de l'islam. Et les groupes des Ash'ariyya, des Mu'tazila, des Jahmiyya, tout cela, ils plaçaient la raison avant ce qui est rapporté dans les textes. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الظَّلَالِ فَأَنَّا تُسْرَفُونَ. Qu'y a-t-il donc après la vérité si ce n'est l'égarement? Comment vous détournez-vous donc? Et les salafs détestaient les philosophes. Et parmi les plus durs à leur encontre, Il y a l'imam Shafi'i, rahimahullah. Et ceci, pourquoi ils étaient durs envers eux, de ce qu'ils voyaient apparaître de la philosophie comme déviation des pensées, et leur danger sur la croyance de la communauté. Et l'imam Shafi'i a dit « Hukmi fi ahli al-kalam, hukmu Umar fi Sabir ». Mon jugement sur les philosophes est comme le jugement de Umar sur Sabir. Et Sabir, qui est un tabiri, est un homme qui est venu à Al-Madinah à l'époque du califat de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, et s'est mis à interroger sur le mutashabih du Coran, c'est-à-dire ce qui peut prêter à interprétation. Lorsque Omar entendit parler de ça, il le fit venir, et il prépara des rafles de dattes, c'est-à-dire ce sur quoi les dattes sont accrochées. Et il lui dit, qui es-tu ? Il dit, je suis Abdullah Sabir, je suis le serviteur d'Allah Sabir. Alors Omar prit une de ses rafles et le frappa en disant « Et moi je suis Abdullah Omar, et moi je suis le serviteur d'Allah Omar. » Et il se mit à le frapper jusqu'à ce que le sang coule de sa tête. Alors Sabir dit « Ça suffit, ya Amir al-Mu'minin, ce que j'avais en tête est certes parti. » Donc Omar a été dur envers lui à cause de l'énormité de ce qu'il a ramené à une époque où la science et la sunna était très propagé et la bid'a quasi inexistante. Et lui est venu avec une chose sur laquelle les sahaba ne l'ont pas précédé. Alors Omar a été dur afin de fermer la porte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ce qu'il a cité comme vertu de Omar, est que Omar ne prend pas un chemin sans que le diable ne prenne un autre chemin. Subhanallah. Donc l'imam al-Shafi'i rahimahullah dit que son jugement sur les philosophes est comme le jugement de Omar sur Sabir. Pourquoi ? Car ils viennent avec des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et même plus, qui ramènent le mal et les torts dans la communauté islamique. Et qui ramènent les innovations et les égarements. Ceci car Allah a parfait sa religion. Il a parfait sa religion, donc nous n'avons pas besoin d'une chose qui est en dehors de l'islam. Mais la perfection est dans l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ » Et nous avons fait descendre sur toi le livre comme éclaircissement de toutes choses, comme guidé, comme miséricorde et comme bonne annonce pour les musulmans. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit « قَدْ بَيَّنَ لَنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ كُلَّ عِلْمٍ وَكُلَّ شَيْءٍ » Il nous a certes éclairci dans ce Coran toute science et toute chose. Et lorsqu'un associateur est venu à Salman al-Farisi, en lui disant, votre prophète vous a éclairci toute chose, même comment faire vos besoins. Il a dit oui. Toute chose en laquelle il y a un intérêt pour l'être humain, dans cette vie et dans l'autre, a été éclairci dans cette noble législation. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Et également l'imam Shafi'i rahimahullah a dit Hukmi fi ahli al-kalam an yudrabu bil jarid wa yuhmalu 'ala al-ibil wa yutafu bihim fi al-'ashayr wal qaba'il wa yunada 'alayhim hadha jazaa'u man taraka al-kitab wa as-sunnah wa aqbala 'ala al-kalam. Mon jugement sur les philosophes est qu'ils soient frappés avec les feuilles de palmier et qu'on les place sur des chameaux et qu'on les fasse tourner dans les tribus et qu'on n'annonce, voilà la récompense de celui qui délaisse le livre et la sunna et se lance dans la philosophie. Voilà pour la psychologie qui découle de la philosophie. Allah al-Musta'an. Et dans notre religion, il y a tout ce qui concerne les états du croyant. S'il est triste, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait en disant « La ilaha illallah al-azim al-halim » La ilaha illallah wa rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Il n'y a pas d'adoré légitime à part Allah, l'immense, le patient. Il n'y a pas d'adoré légitime à part Allah, le Seigneur de l'immense trône. Il n'y a pas d'adoré légitime à part Allah, le Seigneur des cieux, le Seigneur de la terre et le Seigneur du noble trône. Comme rapporté d'après Ibn Abbas dans les deux Sahih. Et les invocations sont nombreuses, suivant ce qui touche le croyant. Et le croyant a son Seigneur. il a son Seigneur qui est vivant, qui entend et qui est clairvoyant. Et il connaît ce qu'il y a dans le cœur du croyant, plus que lui-même et plus que quiconque. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانِ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Nous avons certes créé l'homme, et nous savons mieux ce que son âme lui chuchote, et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Mais ces sciences de psychologie, pourquoi elles sont propagées en Occident? Car ils se sont détournés de leur créateur, et n'ont pas de solution à leurs états d'âme, car le diable les perd dans leurs tourments et leurs pensées. Alors ils se sont tournés vers un corps de métier qui sont les psychologues. Et donc ils leur racontent leur vie afin d'essayer de trouver une solution à leurs tourments. Wallahu al-musta'an. Et ça c'est la récompense de celui qui se détourne de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azawajal dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Et celui qui se détourne de mon rappel, c'est-à-dire du Coran, il mènera une vie pleine de gênes, et nous le ressusciterons le jour de la résurrection aveugle. Et également dans ce groupe, avec ses psychologues, il a décidé de ramener des sexologues. Wallahu al-musta'an. Qu'est-ce qu'un sexologue ? C'est quelqu'un qui écoute tout ce qui touche au rapport sexuel dans le couple, et qui, zarma, trouve des solutions. Donc c'est comme un psychologue, mais seulement sur les rapports sexuels. Sans aucune pudeur, les gens lui racontent leur vie sexuelle. Et la charia islamia a clairement interdit ça. Donc ça, c'est en totale opposition également avec l'islam. D'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu an, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Inna min sharri nasi inda Allahi manzila yawm al-qiyamah » الرجل يفدي إلى المرأة وتفدي إليه ثم ينشر سرها. Il a dit les pires des gens, parmi les pires des gens, auprès d'Allah, en degré, le jour de la résurrection, il y aura l'homme qui a un rapport avec la femme, puis qui dévoile son secret, rapporté par Muslim. L'imam an-Nawawi rahimahullah a dit وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل أو نحوي. Et dans ce hadith, il y a l'interdiction pour l'homme de dévoiler ce qui se passe entre lui et son épouse dans ce qui est en relation avec les rapports et détailler cela et ce qui émane de la femme comme paroles et actes et autres. Et d'après Asma bint Yazid, radiyallahu anha, qu'elle était auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait des hommes et des femmes assis autour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit لَعَلَّ رَجُلًا يَقُولُ مَا فَعَلَ بِأَهْلِهِ وَلَعَلَّ مْرَأَةً تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا. Il dit, se peut-il qu'un homme dise ce qu'il a fait avec sa femme et que la femme informe de ce qu'elle a fait avec son époux, alors je dis, c'est-à-dire Asma, qui rapporte le hadith, « I wallah ya Rasulallah, innahum la yaf'aloun wa innahunna la yaf'aln. » Oh oui, au messager d'Allah, ils le font certes, les hommes, et elles aussi, elles le font. Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Fala taf'alou, fa innama mathalu dhalik, mathalu shaytanin laqiya shaytana, fa rashiyaha wa annasu yandurun. » Il dit « Alors ne le faites pas, car l'exemple de ceci est à l'exemple d'un diable qui rencontre une diablesse et qu'il a un rapport avec elle alors que les gens regardent. » Rapporté par Ahmed et authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Donc ceci montre clairement l'interdiction de ce métier pour le muslim et l'interdiction d'aller voir un sexologue. Wallah al-musta'an. Mais il se peut que certains musulmans ignorants rentrent dans ces domaines-là. Et comme Allah Azzawajal dit, وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Et ils pensent qu'ils font bien, qu'ils agissent bien. Et Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, fut interrogé sur ces sujets-là. Et il dit, إنما يفعله بعض النساء من نقل أحاديث المنزل والحياة الزوجية إلى الأقارب والصديقات أمر محرم لا يحل لامرأة أن تفشي سر بيتها أو حالها مع زوجها إلى أحد من الناس. Il a dit ce que font certaines femmes comme propagation des paroles qui ont lieu dans la maison et de la vie de couple. Ils en parlent à leurs proches et à leurs amis, est une chose interdite. Et il n'est pas permis à la femme de dévoiler le secret de sa maison ou de sa situation avec son mari à personne parmi les gens. قال الله تعالى والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Les femmes pieuses sont obéissantes, c'est-à-dire à leur mari, et préservent les choses cachées. Tiré de Fatawa Islamiyya, 3e volume, page 211. Et il a dit également وَالصَّوَابُ فِي هَذِي الْمَسْأَلَةِ أَيَ التَّحَدُّثُ بِجِمَاعِ الزَّوْجَةِ أَنَّهُ حَرَامٌ بَلْ لَوْ قِيلَ إِنَّهُ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ لَكَانَ أَقْرَبَ إِلَى النَّصِّ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْإِنسَانِ أَنْ يَتَحَدَّثَ بِمَا جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ. Il dit, et ce qui est juste dans ce sujet-là, c'est-à-dire le fait de parler des rapports sexuels qui ont lieu avec son épouse ou son époux, c'est que c'est haram, c'est illicite. Et même si on disait que ça fait partie des grands péchés, ça serait plus proche des textes et qu'il n'est pas permis à la personne de parler de ce qui se passe entre lui et sa femme. Tiré de Ash-Sharh al-Mumti', 12e volume, page 419. الإمام الشوكاني رحمه الله دي والحديثان يدلان على تحريم إفشاء أحد الزوجين لما يقع من أمور الجماع وذلك لأن كون الفاعل لذلك من شر الناس وكونه بمنزلة الشيطان لقي شيطانه فقد حاجته منها والناس ينظرون من أعظم الأدلة الدالة على تحريم نشر أحد الزوجين للأسرار الواقعة بينهما. Il dit donc que les deux hadiths prouvent l'interdiction que l'un des deux époux propage ce qui se passe comme chose relative au rapport sexuel. Et ceci, car celui qui fait cela est parmi les pires des gens. Et il est du degré d'un diable qui rencontre une diablesse et qui a un rapport avec elle, alors que les gens regardent. Donc ceci est parmi les plus grandes preuves démontrant l'interdiction que l'un des deux époux propage les secrets qu'il y a entre eux et qui reviennent à ce qui se passe lors des rapports sexuels et ce qu'il y a avant. Donc ceci pour démontrer la dangerosité de cette voie empruntée par cet individu et le fait que beaucoup de musulmans peuvent se faire leurrer par ceux qui le nomment imam ou cheikh ou autre qualificatif. Et que le salafi sache que peu de science avec un minhaj correct est préférable à beaucoup de science avec un minhaj dévié. Donc loue Allah subhanahu wa ta'ala et remercie-le d'être sur la voie des prédécesseurs, même si tu n'as reçu que peu de science. Et alhamdoulilah, fais des efforts pour acquérir les sciences qui sont obligatoires pour toi en premier lieu. Mais garde en tête la parole d'un salaf qui a dit « Lan akuna daylan fil haqq » أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. Que je sois une queue dans la vérité, mais préférable à ce que je sois une tête dans le faux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: من سن في الإسلام سنة سيئة كان له من الوزر مثل أوزار من أمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. Celui qui établit dans l'islam une mauvaise sunna, une mauvaise voie, il aura les péchés de tous ceux qui ont agi avec, sans que ça ne diminue en rien leurs péchés à eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. Afin qu'ils portent leur fardeau en entier le jour de la résurrection et des fardeaux de ceux qu'ils ont égarés sans science. Comme est mauvais ce qu'il porte. Donc les solutions aux problèmes de la communauté islamique se trouvent dans l'islam. Et on n'a rien besoin de copier les koufars dans leur façon d'agir et leur façon de faire. Et les célibataires, il y en a toujours eu dans la communauté islamique. Il y a des gens mariés, des célibataires. Et le célibataire, lorsqu'il veut se marier, il va demander au tuteur, la main de sa fille, par exemple, si c'est le père ou autre. Et pour rechercher une femme, il peut passer par des gens mariés qui demandent à leurs épouses de chercher des femmes pour leurs amis qui désirent se marier. Alhamdoulilah, les moyens licites de trouver une femme sont nombreux. Donc voilà ce que je voulais éclaircir. Bi'idhnillah, afin que les musulmans prennent garde. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.